Vous voulez écouter, découvrir et faire du podcast en live? C'est Podren, les 3 et 4 avril 2021. Venez découvrir le Festival du Podcast. Gratuit et entièrement en ligne. Inscription, programme et bien plus encore sur podren.fr. www.podren.fr. Tipeee Bounette, tu veux faire quoi aujourd'hui? La même chose que tous les mois, mon bibou. Faire un petit podcast. Bibou. Bibou et Bibounette, Psycho! Bibou, ça y est, on se retrouve. Bonjour ma bibounette. Comment tu vas mon bibou? Alors déjà, permets-moi de te dire que tu es très en beauté aujourd'hui. Eh ben c'est très gentil. Je te l'ai jamais dit pendant l'épisode et puis voilà. Eh ben ça fait très plaisir, mais toi aussi tu es très beau avec ce très beau t-shirt Mondo Bizarro d'ailleurs. Merci. Ah, ça fait du bien de se retrouver, nous voilà pour l'épisode 2 de Psycho. Oui. Ça faisait un bout de temps qu'on n'avait pas enregistré Psycho. Ça faisait un petit moment, ouais. Ouais. Alors on n'a pas délogé à la règle, hein, on a bu des bières avant. Oui. Voilà. Mais on a mangé. C'est vrai qu'on a mangé. On l'avait pas fait la dernière fois et ça nous a fait peut-être un peu défaut. Complètement. Et puis en plus, on enregistre. Il fait encore jour. La dernière fois, c'était très tard le soir. Ouais. Tout à fait. C'est vrai. Alors, par contre, aujourd'hui, c'est une journée un petit peu spéciale parce qu'on a. Eh ben, on a le plaisir d'avoir un invité exceptionnel. C'est pas vrai? Si. Il nous arrive, mais il est moyennement fraîche. Hein. Il arrive de sa garde à vue prolongée. En plus d'être le créateur de Podren, c'est aussi l'un des organisateurs du Técos de Lyon, qui a eu lieu le 31 décembre. Il est arrivé à l'instant avec une 8-6 à la main et vêtu d'une parka militaire et de Doc Martens. D'accord. Bon, on lui a demandé de laisser ses chiens dehors parce qu'à mon avis, ils sont pas vaccinés, ils sont pas pucés ni vermifugés et ils sentent la mort. C'est clair. Donc, on a choisi de les laisser dehors et on accueille qui? Péremptoire! Eh ouais, bonjour. Vous avez vu, j'ai mis mon plus beau piercing au téton. Magnifique. J'ai mis mes petits filets sur les bras, mes tatouages. Voilà, c'est pour faire plaisir. J'ai même petite crinière rasée là sur les c'est cheveux. Parfait, mais je vois c'est ça, parfait, c'est parfait. Tu l'as fait tout seul ou c'est un de tes potes de squat? Ah, je l'ai fait, j'ai pris la tondeuse, je l'ai fait un petit peu comme ça. Ça se voit. Ouais. Ça se voit. Mais en tout cas, bah, ça fait plaisir. Ouais. T'as pas trop ouvert de squat là ces derniers temps? Non, ça va. Je reste tranquille. Je reste dans les clous, tu sais. Ouais, c'est un peu compliqué. Ouais. Tu vois. Ouais. C'est compliqué en ce moment d'ouvrir des squats et tout. Tout à fait. En tout cas, merci de nous avoir rejoints pour cet épisode de Psycho. Ça fait plaisir. Pour deux raisons. Parce que déjà, ça fait un moment que j'ai pas enregistré autour d'une table. Exactement. Et aussi avec vous. C'est plaisir. La première. Et second, c'est que pour une fois, je suis invité, j'ai pas grand chose à faire et ça fait plaisir. Ouais, c'est vrai. T'as ouais. juste à venir boire des bières et, c'est et vrai, t'asseoir à côté d'un petit micro d'ailleurs. En parlant de bière, tiens. En parlant de bière, et ben moi je vous propose de trinquer avec une petite bière d'Abbaye. Moi je bois une petite bière d'Abbaye du Vauclair qui est une rubis. D'accord. Et vous, je crois, c'est une Abbaye. Une ambrée. Une ambrée. Et bah la vôtre. Et bah écoutez, santé. On va trinquer. Santé les amis. Et santé à tous nos auditeurs et auditrices, bien évidemment. Et du coup, on va commencer cette petite émission Psycho avec un petit morceau. Et je crois que c'est moi qui commence. D'accord, d'ailleurs. Oui. Et moi, j'ai choisi un petit groupe de rock américain qui est originaire d'Ohio et qui a été formé en 73. Mm-hmm. En fait, c'est Devo. D'accord. Voilà. Et on va choisir. J'ai choisi la chanson I Can't Get No Satisfaction. Ça parle assez. À beaucoup de monde. Mmh. Ah, oui. Allez, je vais vous dire une petite anecdote quand même. Ce sont David Bowie et Iggy Pop qui ont arrangé un contrat pour Devo avec la major Warner Music après avoir vu le film The Truth About The Evolution en 76. Et c'est même Bowie qui devait produire le premier album du groupe, mais il laissa finalement la main à Brian Eno pour des questions de planning. Et donc, le premier album de Devo est sorti donc en 77. Okay. Devo a enregistré 2 albums de musique pour Ascenseur et ses chansons étaient souvent jouées dans les salles avant les concerts de Devo. Donc, on va s'écouter Devo de l'album Are We Not Men? We Are Devo, sorti en 70. We'll be right back. Il était vraiment agréable ce petit morceau et ça me fait plaisir à chaque fois de le réécouter. Et il est bien mieux que celui des Stones. Tout à fait. Parce que celui des Stones, il est tellement lancinant, il est chiant, je trouve, à écouter. Ah, peut-être on l'a trop écouté aussi. Peut-être trop écouté. Et maintenant, c'est toi, en fait. C'est à mon tour. Ouais, c'est à mon tour. Malgré le fait qu'on t'a un peu invité au dernier moment. Ouais, mais c'est pas grave, il n'y avait pas grand-chose à préparer. J'ai un petit carnet avec quelques notes et puis ça suffira. C'est l'avantage de Psycho. En fait. Alors, on continue, on passe en 78. On ne fait pas vraiment les choses dans l'ordre temporel, j'ai l'impression. Non, pas du tout. Parce que j'ai envie de vous parler des Undertones avec un morceau que j'adore qui s'appelle Teenage Kicks. D'accord. Alors, c'est un album qui date de 1978. Hein, on est dans le grand âge du punk. Hein, ça fait partie du grand âge du punk. C'est des Irlandais. D'accord. Bien sûr, c'est toujours bien de voir des Irlandais, ça change. Et moi, j'aime bien la voix du chanteur parce qu'elle est un peu chevrotante, un peu particulière. J'ai l'impression que c'est un petit peu une chèvre des fois qui chante. Moi, j'aime bien. Et pour la petite anecdote, en fait. Content de savoir ça. Ben oui, voilà. Vous allez voir. Faites attention au trémolo dans la voix. John Peel, parce que peut-être que vous connaissez John Peel, c'était un DJ, enfin un animateur de radio, l'animateur radio phare dans les années 70 sur la BBC Radio One, et il avait listé cette chanson comme sa meilleure chanson de tous les temps. Ah ouais, voilà, sa chanson préférée de tous les temps. Il était du genre à la mettre peut-être plusieurs fois d'affilée à la radio. Ah, tellement il était fan, quoi. Tellement il était fan. Et okay. Il était tellement fan que les premières paroles de ce morceau, justement, c'est l'épitaphe de sa tombe. Comme quoi, il était vraiment, vraiment fan. Okay. Et donc, on va tout de suite s'écouter The Teenage Kicks des Undertones. So good. I wanna hold her tight. Get teenage kicks right through the night. I'm gonna call her on the telephone. Have her over cause I'm all alone. I need excitement, oh I need it bad. And it's the best I've ever had. I wanna hold her tight. Get teenage kicks right. Street. Another girl in the neighborhood. Wish she was mine, she looks so good. I wanna hold her tight. Get teenage kicks right through the night. I'm gonna call her on the telephone. Have her over cause I'm all alone. I need excitement, oh I need it bad. And it's the best I've ever. Eh ben super agréable ce petit morceau. Ouais, bah tu sais quoi, je connaissais pas trop en fait ce groupe et c'est une petite découverte pour moi. C'est cool, merci. L'album en général est très très bon, il y a vraiment des bonnes choses à écouter dessus, je vous le conseille de manière générale. D'accord, ok. Écoutez toi, les amis. Les petits amis. Comme dirait Marcus. Oui, les amis de Marcus, les petits amis. Salut les petits amis. Moi, je vais vous passer un petit morceau des Buzzcocks parce que les Buzzcocks, c'est un groupe qui me tient très très très à cœur. Déjà, c'est un groupe anglais qui vient originaire de Manchester, qui s'est formé en 76. Et Bibounette, je te regarde dans les yeux là, c'est un concert qu'on a vu. Ah oui, en plus l'année de notre rencontre en 2009. Ah oh, c'est beau. Oui. Oh. En 2009, on a fait énormément de concerts quand on s'est rencontrés avec Julien, donc il y a 12 ans. Maintenant, on fait plus de concerts, on est vieux, c'est on ça est que tu vieux, veux dire. Bah non, c'est parce que c'est interdit en fait. C'est ça. Et on les a vus en concert à Malétroit. C'était en 2009, ouais. Au Pont du Roc, donc c'est, du c'est à une heure de Rennes, on va dire. Ouais, quoi. C'est ça, c'était pour les 20 ans du Pont du Roc. Ouais, on avait pas mal de groupes. Hein, à ce concert-là. Ouais. C'était un festival, enfin c'est toujours un festival, en espérant que ça reprenne. Complètement, ouais. Ouais. Et je te laisse... Voilà, donc en fait, petite... bon, je parle rapidement du groupe. Le groupe se forme après avoir vu les Velvet Underground sur scène. Et à partir de là, ça va être très très rapide. Ça veut dire que leur premier concert a lieu le 1er avril 76 dans leur ancien collège. Donc des petits jeunes. En avril, donc. Donc le 1er avril. Le 4 juin, ils font venir les Sex Pistols à Manchester au Free Trade Halls, donc une salle de concert. Deux mois qui sont existants, en fait. Et Vlatipa de qui n'est pas dans cette salle de concert, les futurs membres de Joy Division et des Smiths. N'est-ce pas ? Comment bien commencer quand même ? C'était un petit monde à l'époque. Hein. C'est vraiment l'époque où tout va très vite, où vraiment les futurs membres punk se retrouvent au même endroit, enfin au même moment. C'est impressionnant, quoi. Et ça allait très très vite, quoi. En l'espace de 4 mois, ils se forment, ils font leur premier concert, ouais. et c'est parti en fait. Ouais, ouais. Et on le voit d'ailleurs, le film Control qui parle de Joy Division, à un moment on voit Ian Curtis qui regarde justement... les Buzzcocks, ouais. Bah, qui regarde les Buzzcocks et qui est une sorte de révélation en fait... sur ce qu'il veut faire, quoi. Donc voilà, écoutez, on va s'écouter le morceau Ever Fallen in Love de l'album Love Bites en 1978. Mais quel bonheur, les amis. Mais alors, t'es fan de Shrek. T'as pas pu t'en empêcher de le placer. Hein. Mais alors, pour ta décharge, il y a une bonne BO dans Shrek. Il y a même les Monkeys à un moment dans Shrek. Ouais, c'est pas mal. Mais tout le monde voit l'âne. Il y a même Smash Mouth. Bon, bref. Mais je sors toute ma culture musicale de Shrek. Hein. Moi, c'est le guitar héros. Ah oui. C'est pas mal. Ah, c'est pas mal. Ah, mais que du bonheur. Et puis, beaucoup de souvenirs, beaucoup... je te revois en train de stomper, de pogoter sur les Buzzcocks au concert. C'était formidable. Ce festival était vraiment formidable. Ouais. En parlant de concert, je vais vous mettre un petit morceau d'un groupe qu'on a aussi vu en concert en 2009 à Rennes. Mais quelle année, c'est ouf, quoi. Ouais. C'était une sacrée année pour nous, niveau concert. On allait voir les Cadavres. Ouais. Au jardin moderne. Mmh. Et c'est un petit groupe punk français qui sont, ils sont originaires de Paris. Ils se sont formés en 79 et ils sont composés donc de 5 membres. Et en fait, ils incarnent en fait aux côtés de Parabellum, des Bérus et de Ludwig von 88 et des Rats, le mouvement punk en fait des années 80 mais en France. Ah oui, voilà. Donc pas un petit groupe comme tu dis. Non, ouais, c'est vraiment, voilà, ils font vraiment partie du gros mouvement punk en France. Ceux qui ont ouvert les squats, voilà, qui ont commencé l'ouverture des squats. Ouais. Voilà, donc nous on a fait le concert en mai 2009. Et c'était un sacré début de soirée à l'appart, mais on n'en parle pas. Hein. Voilà, comme m'a marqué Julien. En fait, on a bu énormément de 8-6 avant de partir au concert. Bah, normal, c'est classique. Et en fait, non, je n'en parle pas. Vous le raconterez après l'émission. Voilà, c'est ça. Ouais, ouais. Je raconterai ça après l'émission. Voilà, donc on va s'écouter Né pour crever des cadavres. C'est un morceau de 84. Morceau de 84 et de l'album Paris sous la pluie. Enregistré au Bataclan. À la fin, ce petit morceau de guitare, c'est vraiment un régal. Ça vous a plu ? Ouais. Moi, et en plus, j'ai eu quelques petites anecdotes de soirée pendant le morceau, donc c'était parfait. Mais juste pour revenir, toute cette période de punk français. Déjà, en fait, moi, j'ai du mal déjà quand les chansons parlent, quand ça chante en français, d'une manière générale, que ce soit tous les styles. Et je pense que je suis passé à côté d'une grosse partie de cette période. Comme punk, Ludwig Van ou les Rats ou les Bérus. Ouais, rien que ou... les Bérus, tu vois. Ouais. J'ai vraiment une des grosses lacunes sur ce côté-là. Mais bon, c'est à retravailler, hein, c'est pas grave. Ouais, il est trop tard, bien sûr. Il est jamais trop tard, quoi. Par contre, moi, j'ai beaucoup de Ludwig Van sur mon disque. J'ai beaucoup de Ludwig Van sur mon disque dur. Donc, si vous voulez le récupérer, j'ai pas mal de discographie. Donc, pourquoi pas ? Bien sûr. En disque que tu as acheté légalement, évidemment. Oui, tout à fait légalement. Toujours. Avec mon ami d'Amérique. Bien sûr, bien sûr. Mon cousin d'Amérique. Ok. Et du coup, le punk à chien qui est là. C'est moi. C'est moi. Et putain, il a déjà bu 3 8 sus depuis qu'on a commencé l'émission. Non, c'est un truc de fou. C'est incroyable. Quoi. Et puis, les écrases sur sa tête, là. Ouais. Ah. J'ai commencé un petit peu à saigner. Mais alors, on continue avec The Damned. The Damned. D'accord. Alors, on retourne chez nos amis britanniques, figurez-vous. Avec leur tout premier 45 tours qui est sorti en 76, c'était un petit peu l'équivalent de leur premier single. Hein. Et on va écouter New Rose, justement. Alors là, on retourne juste comme les cadavres, quelque chose de plus nerveux, de plus crade, de plus brut, un peu plus sale. C'est un titre en fait qui a eu pas mal de détracteurs à la sortie parce qu'ils étaient un petit peu considérés comme paradoxalement comme des branleurs. Alors que c'est tout à fait. Ils n'étaient pas pris au sérieux en fait, The Damned, quand ils ont sorti ce premier single. Mais moi, je trouve que ça incarne vraiment un côté punk par excellence. Alors, juste pour la petite anecdote, c'est un groupe qui est assez particulier parce que quasiment tous les membres, ce sont d'anciens fossoyeurs ou d'anciens nettoyeurs de toilettes publiques, donc des métiers qui ne sont pas très valorisés. Ils ont un petit bagage derrière de ce côté un peu brut, un peu sale. Ah bah oui, et donc, je vous propose d'écouter justement The Damned avec New Rose de leur single éponyme. Is she really going out with him? Like a stormy sea. I don't know why, I don't know why. I guess these things have gotta be. I've got a new rose, I've got a good. Yes, I knew that I always would. I can't stop to mess around. I got a brand new rose in town. See the sun, it shines. Don't get too close or it'll burn your eyes. Don't you run away that way. You can come back another day. I got a new rose, I got a good. Yes, I knew that I always would. I can't stop to mess around. I got a brand new rose in town. I never thought this could happen to me. I feel so strange, oh why should it be? I don't deserve somebody this great. Oh, I better go, or it'll be too late. Like a stormy sea. I don't know why, I don't know why. I guess these things have gotta be. I've got a new rose, I got a good. Yes, I knew that I always would. I can't stop to mess around. Like a brand new rose in town. Ah, ça débouche les artères. Hein. Ah, c'est ça très fait cool, du bien, ouais. Ça fait du bien, ça fait du bien. Et c'est très très bien, The Damned. Bravo les gars. Ouais, bravo, bravo. Et tu sais quoi, tant que tu parles de déboucher les artères, comme ouais. tu dis si bien, ouais. On va parler. Qu'est-ce que tu vas dire? Non, je dis juste qu'on va, écouter The Addicts. Ah. Okay. The Addicts, qui est un très vieux groupe de punk britannique qui a été formé en 75. Alors, je sais pas si vous avez déjà vu des lives de The Addicts. Non. Inconnu au bataillon pour moi. Inconnu au bataillon. Moi, oui. Tu vois, en fait. En 2009 Non. Non, mais des lives. Mais sur, t'as quel âge, Bibounette? Mais c'est sur des lives sur YouTube. Ah oui. Des lives de YouTube. Et en fait, je vous demande ça parce qu'en fait, le mec a un look très inspiré, fait. Complètement assumé en fait, quoi, des Droogs dans Orange Mécanique. Donc une sorte de clown hyper flippant, du coup tous les membres du groupe étaient habillés comme ça. Et je pense que ça leur a aussi porté préjudice. Alors on a lu des choses comme ça, comme ouais. quoi bah, à l'époque c'était peut-être pas c'est méga bonne ambiance de s'habiller comme ça sur... Mais en même temps c'est ça l'esprit punk aussi, c'est que ça. Dans le fuck-off. Ah oui, bah, c'est tellement d'histoires comme ça quoi. Mais ouais, voilà. Ouais. Est-ce qu'on a écouté les Toy Dolls encore? Non, c'est après. Non. C'est moi okay. après. Comment tu viens de spoiler? Eh ben écoute, c'est pas grave. Olga des Toy Dolls justement a joué de la basse lors d'une série de concerts aux États-Unis. Eh ben écoutez les amis, je vous propose d'écouter The Addicts, Viva la Révolution. Oui, très approprié en plus en ce moment. Ah mais toujours. Toujours. Ouais. On écoute d'ailleurs que des chansons qui sont complètement appropriées avec Le punk est toujours dans l'actualité. Toujours. Il y a pas meilleure année pour écouter du punk que s'énerver non, un mais petit c'est peu clair. Sans déconner. Hein. Ouais. Vas-y, mets-nous Viva la Révolution. Et il est de quelle année d'ailleurs ce morceau? De 81 sur l'album Song of Praise. Come out of the hole, come out of the woodwork, come into the fold. Devils and fighters and lights to kill. Now with the bandits, stop on the hill. Open your windows, open your doors, open your mind to a freedom of thought. Cast. This revolution won't be the last. Thank you. Mais quel bonheur! Mais merci pour toutes ces playlists. C'était bien, je connaissais pas. C'est vrai? C'est cool. Ouais. Ouais, mais on est en train de te rajouter du monde des à écouter là. Dans ma culture générale, comme ça. Pof, hop, pof. Hop, ça faut que j'écoute, ça faut que j'écoute. Ouais. Exactement. Quand tu retourneras au squat ce soir, tu vas écouter ça. Bah ouais, avec mes copains sur le transistor, avec des cassettes mal enregistrées. Ah bah si t'écoutes des cassettes, appelle le fan, envoie un petit message au fan club de Devo. Ouais. Ils vont t'envoyer les cassettes de leur album de musique d'ascenseur. Merci les gars. Ah, j'adore la musique d'ascenseur. Ouais. Et moi aussi. Moi aussi. Enfin bref. Et ben maintenant, moi j'ai choisi un petit morceau de. Bah, c'est le même festival quand on allait à Malé 3 en 2009. Et bah, c'est Toy Dolls. Ouais. Une chanson qui s'appelle Nelly the Elephant. Ah, bébé, je te coupe. Tu te rends compte quelle soirée de ouf on a vécu. Ouais, mais c'est vrai que les 20 ans de Malé 3. Ah, une heure de Rennes, les 20 ans du pont du rock. Quoi. Rassurez-moi, vous avez de quoi faire d'autres émissions parce que vous êtes en train de griller vos meilleurs cartouches. Ah non. Oh là là. Oh beau de Dieu, non, t'inquiète. Oh, d'accord. T'inquiète. 12 ans de concert derrière nous, t'inquiète. On a de quoi faire. Plus que Julien a derrière lui, plus que moi j'ai, on a de quoi faire. Non, encore un super festival, vraiment, il était parfait, hein, le Pont du Rock, parfait. Alors, les Toy Dolls, c'est un groupe qui a été formé en 79, ils sont originaires de Sunderland, en Angleterre. Donc, comme on a eu Manchester, maintenant on est à Sunderland, en Angleterre. Alors, dans ce groupe-là, ne subsiste que le leader, Olga, alias Michael Algar, dont nous a parlé Julien pour The Addicts, qui a participé d'ailleurs à une tournée américaine. Il jouait de la basse. Ouais, voilà. Mais sinon, il y a eu 22 anciens membres dans ce groupe. C'est quelqu'un qui aime bien le changement, apparemment. Ah, il y a eu beaucoup, c'est beaucoup. C'est probablement qu'il y a un problème dans le groupe aussi. Mais... Peut-être. Est-ce que le problème ne serait pas lui? Alors, c'est un groupe qui a 40 ans d'existence, 18 albums studio. Et en fait, ils sont surtout connus pour leur expression scénique sur scène. Ah oui. Et Olga est très connue pour le fait de porter qu'une cravate et d'énormes lunettes. Et nous allons écouter Nelly the Elephant de l'album Dig That Groove Baby. C'est le premier album studio paru en 1983. To Bombay, a traveling circus came. They brought an intelligent elephant, and Nelly was her name. One dark night, she slipped her iron chain, and off she ran to Hindustan and was never seen again. She went with a chompity chomp, chomp, chomp, chomp. Now Nelly the elephant had to chomp and chomble up the jungle. Off she went with a chompity chomp, chomp, chomp. Night by night, she danced to the circus band. When Nelly was leading the big parade, she looked so proud and grand. No more tricks for Nelly to perform. They taught her how to take a bow, and she took the crowd by storm. We'll be right back. Attends, je vais prendre ma voix FIP. J'espère que vous avez vraiment apprécié ce petit moment interlude avec Toy Dolls, Nelly the Elephant. Je laisse la parole maintenant à notre invité exceptionnel. Juste pour revenir à sur qui je, à qui je viens de servir une bière d'abri triple. je la considère, mais avec une moue, tu vois, c'est un peu compliqué. On le voit pas, il y a le masque. Juste pour revenir sur ce morceau, comment je l'ai découvert ce morceau par une anecdote incroyable, la pub Perrier. Vous vous en souvenez? Oh punaise. Il y avait un Snoopy dans un verre qui tournait avec sur le son de cette musique. C'est comme ça que j'ai découvert. Comme quoi, il n'y a pas de mauvaise façon de découvrir de la musique. Et non, ouais, je exactement. Pas cette pub. Et ouais, okay. La pub Perrier. Et moi, oui. Je continue du coup. Ah bah oui, c'est à ton tour. Sur mon petit triptyque, mon dernier choix, je suis allé sur un groupe plus classique, on va dire plus mainstream entre guillemets dans le monde du punk. C'est ce que je dirais. Même ouais. Si le morceau, c'est pas le plus connu, bien sûr. Parce qu'on va écouter Train in Vain, alors sur l'album London Calling, le troisième album. D'accord. De... La référence des Clash, l'album de référence, le classique. Quand même, le classique. Classique. C'est un peu une daronisation du punk, j'ai l'impression, parce qu'ils se sont un petit peu, pas assagis, mais ils ont élargi leur influence. Donc il y a du ska, de la pop, du jazz, de la rockabilly. On voit c'est ce qui des... fait tout toute la richesse de l'album, en fait. J'aurais trouve, pu mettre d'autres morceaux, en fait, comme... comme Jimmy Jazz, Rudy Canfell, qui est plutôt ska, par exemple. J'aurais pu mettre Guns of Brixton, j'aurais pu mettre London Calling, qui est la plus connue. Voilà. Donc là, à l'origine, je voulais mettre Jody Jones. Est-ce qu'il est sur cet album ou pas? Il me semble pas, non. Il me semble pas. Peut-être okay. Sur Combat c'est Rock. Juste après, non peut-être, ouais. Combat Rock, peut-être Sandinista, je sais pas trop, j'avoue. Faudra vérifier. Mais... Donc c'est un album qui est plus cool, donc moins effréné, il y a moins de grosses guitares. Et là, sur ce morceau en question, c'est pas Joe Strummer, c'est Mick Jones, le guitariste qui chante. D'accord. Et à la base, pour la petite anecdote, eh ben, c'est un morceau en fait, qu'ils avaient composé qui devait être destiné à être fourni au magazine NME, le grand magazine là, de musique oui, en Angleterre dans les années 70-80. Et il était censé être distribué gratuitement aux lecteurs. Et en fait, ils se sont dit, en fait, le morceau il est trop bien pour être distribué gratuitement, on va le garder pour nous. Et ils l'ont mis justement au tout dernier moment dans l'album. C'est la dernière piste de l'album. En fait, c'est la petite perle, j'aime bien. Ouais, elle arrive à la fin, elle se dépose. Donc on va écouter The Clash avec Train in Vain, Stand By Me de l'album London Calling. Well, some things you can't explain away. you lie. On va le garder, ça. Merci. Voilà, j'avais envie de terminer par ce petit The Clash qui est cool, qui est doux, qui est bien rythmé. Il se pose très bien comme ça. Et il se pose très, très bien. Et en contraste avec bien. Les grosses guitares qu'on a eues juste avant. Voilà. Ouais, c'est ça tout calme pour moi. Un peu. Quoi. Et maintenant, je coupe le micro et je m'en vais. Tu t'en vas, tu récupères tes chiens. Je reste encore quelques minutes si vous m'appelez. Et après, tu récupères tes chiens parce que ça sent la mort oui, jusqu'ici. Sais, mais... quoi. J'ai acheté des nouvelles croquettes. Ouais. On t'a donné des croquettes. Je reste encore un petit peu. Si tu vas faire la manche encore un peu avant 18h là. Ouais, alors, Carrefour Market. Écoutez les amis, bref. C'est le dernier morceau. Ouais. Ah, déjà. C'est le dernier morceau. Eh, ça passe super vite. Hein. Ça passe vite. Ouais. On va écouter évidemment. Pourquoi bah évidemment oui. Parce que évidemment, punk français, on va écouter les Berruriers Noirs. Eh oui. Qui ont changé beaucoup de fois de nom. Alors, ouais. Alors justement, noms. J'ai noté que toute l'historique du groupe est très compliquée entre les membres, tout toute leur histoire. Enfin, il y a eu énormément d'histoires. C'est pas le but de l'émission de parler de ça non plus. On n'est pas. Enfin. On va pas parler de ça. Voilà, ça serait tellement long. C'est vrai que je tape pas vraiment dans l'original en parlant des Berrues, mais comment ne pas parler des Berrues pour finir. Exactement. Je vais mettre un morceau qui me tient vraiment, vraiment à cœur. Donc, qui est sur l'album Concerto pour deux traqués de 1985. Merci. Les hommes se comportent comme les morts. L'élevage en batterie avait millier de temps de mort. Nous sommes alors des fratiques. On est aux prises sur des vies. Nous sommes dans un état de jade. Et partout c'est le roi du pain. Prostitution organisée. Plus des passions j'ai pénosé. Le tien montrait les bonnes vies. L'attention monte et tiendrait. Solidarité. La jeunesse en mer, le Front National. La jeunesse en mer, le Front National. La jeunesse en mer, le Front National. La jeunesse en mer, le Front National. Et c'était les Bérus avec le morceau Porcherie. Celui-là, je le connaissais. Et parce que, vous savez quoi, Bibou et Bibounette emmerdent le Front National. Mais grave, et on toi, lève Pépé, les doigts. Emmerdes-tu le Front National? Ah, je me sens tout seul au bout de cette table. Ben oui, bien sûr. Alors maintenant, il faut dire le RN, le Rassemblement National, mais oui, on l'emmerde tout autant. Ah, mais pareil, tout pareil, voire même 4 fois plus, en fait. Voilà. C'est ouais. Ça. Et Génération Identitaire allait bien vous faire coller le cul aussi. Bon bah on coupera peut-être pas ça au montage en fait. Alors tu savais que les Bérus étaient venus, bon comme je disais tout à l'heure c'était un groupe un peu avec un historique un peu compliqué, ils se sont séparés beaucoup de fois, reformés beaucoup de fois. Et justement ils se sont reformés en 2003 pour faire un concert mais hallucinant, c'était aux Libertés je crois. Tout à fait. Durant les transmusicales. Mmh. Et toi, t'étais dans c'est... la rue, toi. Alors, moi, j'étais dans la rue. tu vivais pas dans la rue, mais tu te promenais pendant les transmusicales. Je faisais du lèche-vitrine dans la rue à ce moment-là. Non, je... tu te promenais pour les transmusicales voilà, ça, dans quoi, Rennes. Ouais. Parce que j'ai... On se promène dans les rues quand on fait les transmusicales. Tout à fait. Et j'ai assisté à des scènes Bibounette, parce que, évidemment, les Bérus qui se reforment, qui viennent. Bah, à Rennes pour faire un concert. Ça devait être impressionnant, en fait. T'avais tous les quepons de Brest, de Paris, de Nantes, qui sont venus exprès sans acheter leur place de concert, en oh disant... Putain, ça va passer, on est punk, ça va passer. Mais bien sûr, on a des 8-6, on a tout... On a tout l'attirail du concert, pourquoi on ne rentrerait pas dans cette salle. Pépé, tu serais passé crème, toi. Bah oui, moi je sais, j'aurais mis mon meilleur piercing au téton, je serais... Et tu sais que juste à ce moment-là, j'étais justement devant le Liberté, je devais revenir des trans, enfin tu sais, du music hall, tu vois. Bah oui, de Saint-Jacques, ouais. Et il y avait des combats de CRS avec des punks. Les punks ont carrément assiégé le Liberté. On vrai. Veut voir les Bérus, quoi. Mais je te promets que c'est vrai, ils sont passés par les backstage. Toutes les portes que comporte le Liberté, bordel. Ils ont tout défoncé pour pouvoir aller voir les Bérus. C'était complètement fou. Il y a certaines choses qui restent intemporelles. Ouais, en fait. Je pense. Et ça en fait partie, ouais. Ouais. Alors, t'es pas allé les voir en concert, mais t'as assisté quand même à cette scène mythique. C'était génial. T'as un petit peu vécu le concert par procuration, en fait. T'as un petit peu participé à ce concert de loin. Ouais, plus ou moins, ouais. Mais du coup, quand tu revenais des transmusicales, t'as vu ça, qu'est-ce que t'as fait? T'es rentré chez toi, rue de Maréchal Joffre? Enfin non, t'habitais peut-être rue Surcouf à l'époque. T'as vu? Ouais, peut-être. Mais j'ai dû rentrer chez moi, enfin. T'as pas participé à J'étais ça pas dans l'ambiance non t'étais plus l'ambiance. Que Pont-Biru à ce moment-là, quoi. Ah, ouais. Bon, bah écoutez, les amis, c'était une... Bah une super playlist. Eh ben oui. Ouais. Avec un invité exceptionnel. Merci, c'était un plaisir. Ça fait plaisir d'être venu, d'être là autour de la table avec vous. Ah bah, encore tes petites impressions sur cette émission. Bah, t'aimes pas que je fasse ça. Tu me regardes comme si tu me tendais un piège. Mais non, mais c'est très sympa. Bon, j'ai une bière quand même à 8,6 degrés. on a parlé de musique, de bonne musique, etc. Puis faire une émission avec vous aussi, ça change. Voilà, moi, j'ai pas l'habitude d'être. Presque les pieds sous la table, à ne presque rien faire, juste griffonner 2-3 trucs sur un carnet. Donc moi, ça me va. C'est un grand plaisir de faire cette émission avec vous. Et bien, ce sera avec plaisir de le refaire, parce que c'est vrai que, quitte à se retrouver, boire des bières et parler musique, autant le faire autour d'un micro. Et d'ailleurs, pendant les morceaux de musique, on a commencé même à réfléchir à d'autres émissions de Psycho Ensemble. Et peut-être qu'on vous réserve des petites surprises. Donc, restez à l'écoute de chez Bibou et Bibounette. Ouais, Psycho complètement, ouais. Et on se finirait pas ce petit épisode avec un petit morceau quand même. Mais complètement. Mais écoutez, pendant qu'on dit au revoir, je vais vous mettre un petit morceau d'un groupe très mythique, encore une fois, des New York Dolls, qui s'appelle Personality, que je vais lancer maintenant, comme ça on peut dire au revoir tranquillement aux auditeurs. Exactement. Au revoir les auditeurs. Au revoir à toutes et à tous. Merci péremptoire. Eh ben, le plaisir était partagé. Merci de l'invitation. Merci. Merci à toi, Bibounette. Merci beaucoup, mon Bibou. Je t'ai dit que t'étais très embouté aujourd'hui. Oui, je te l'ai dit, pardon. Toi, tu veux quelque chose. Oh là là, moi, je vais partir avant. De toute façon, faut que tu récupères tes chiens. Toi. Ouais. Merci en tout cas, merci Bibou, merci Péremptoire, c'était vraiment très sympa. On va finir nos bières, on va réfléchir à un autre projet et on se retrouve très bientôt. Et oui. Au revoir. À bientôt. À bientôt, bisous. Salut. Des bisous.